Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les sept boules de cristal. Premier épisode. L'expédition ethnographique Sanders Hartmut vient de rentrer en Europe après un long et fructueux voyage de 2 ans au Pérou et en Bolivie. Les explorateurs ont traversé des territoires fort peu connus où ils ont découvert plusieurs tombeaux incas. Dans l'un d'eux se trouvait une momie encore coiffée du borla, ou diadème royal en or massif. Certaines inscriptions funéraires ont permis d'établir avec certitude qu'il s'agissait de l'inca Raskar Capac. Ça finira mal cette histoire, vous verrez. Quoi ? Qu'est-ce qui finira mal ? Eh bien, cette histoire de momie. Souvenez-vous de Toutankhamon, jeune homme. Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le tombeau de ce pharaon. Vous verrez, la même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet inca. Vous croyez ? J'en suis sûr. Aussi, pourquoi ne laisse-t-on pas ces gens tranquilles ? Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois ? Hein ? Que dirions-nous ? En effet. Oulassar, 3 minutes d'arrêt. Excusez-moi, je descends ici. Au revoir. Au revoir, jeune homme. Cher Milou, nous y sommes. Voici le château de Moulinsart. Bonjour Nestor. Le capitaine est-il là ? Non, monsieur Tintin. Monsieur est sorti. Il est allé faire une promenade à cheval. Mais il ne tardera pas à rentrer. Voyez, voilà déjà son cheval. Mais où est le capitaine ? Et voilà, monsieur. Bonjour, capitaine. Bonjour, mon ami. Bonjour. Un instant, vous permettez ? Nestor ! Nestor, donnez-moi un autre monocle, je vous prie. J'ai perdu le mien à cause de cet animal. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Mais c'est Tintin, parole d'honneur. Ravi de vous revoir, mon cher. Quel bon vent vous amène ? J'étais venu simplement vous dire bonjour. À vous et à Monsieur Tournesol. Comment va-t-il ? Oh, fort bien. Tenez, le voilà justement. Toujours passionné de radiesthésie, comme vous voyez. Le cher homme est persuadé qu'il y a un tombeau mérovingien dans les environs et il s'est mis en tête de le découvrir. Bonjour, Monsieur Tournesol. Mais c'est notre ami Tintin. Quelle bonne surprise. Vous allez nous rester quelques jours, j'espère. Hélas, non, il faut que je sois rentré ce soir. Tant mieux, tant mieux. Vous ne pourriez croire combien ça fait plaisir. Alors, à tout à l'heure. Je dois continuer mes recherches. Laissons-le à ses études, ce cher vieil ami. Et allons prendre un cocktail. Bon, à propos de cocktail, j'y songe. Quoi donc ? Suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Passez, je vous prie. Merci. Milou ? Qu'y a-t-il ? Oh, C'est à cause du chat. Milou, ici. Nestor, attention. Bravo, Nestor, bravo. Magnifique rétablissement. Milou, misérable. Tu as vu ce que tu as fait? Laissez-le donc tranquille et suivez-moi. Vous allez assister à une chose inouïe. Voilà, c'est ici. Et maintenant, mon cher, ouvrez grand vos yeux. Vous voyez cette carafe? Je la vois. Regardez bien. Je commence par verser de l'eau pure dans ce verre. Je dis bien, de l'eau pure. À présent, faites bien attention, je commence. Voici un cylindre de carton. Creux. Creux, vous m'entendez? Regardez, il n'y a rien dedans, n'est-ce pas? En effet, il est vide. Bon. Je dépose ce cylindre au-dessus du verre. Du verre qui contient... Qui contient quoi? De l'eau. De l'eau, parfaitement. Et maintenant, silence. Regardez bien. Abracadabra. Et hop! Voilà, c'est fait. À présent, dites-moi, s'il vous plaît, ce que contient le verre qui se trouve là-dessous. Ce qu'il contient, mais de l'eau, voyons. De l'eau. Laissez-moi rire. Oh, c'est trop drôle, vraiment. Regardez, soulevez le cylindre de l'eau. Excusez-moi, capitaine, mais il y a dans tout ceci quelque chose qui m'échappe, car enfin, c'est toujours de l'eau dans ce verre. De l'eau. Vous en avez de bonne, vous. De l'eau. Vous êtes vraiment drôle. Donnez-moi ça, voulez-vous. Mille millions de mille milliards de mille sabots de tonnerre de Brest. C'est de l'eau. Mais au nom du ciel, qu'auriez-vous voulu que ce fût? Du vin, mille tonnerres, du vin. Du vin de... Voyons, capitaine, voyons. Vous ne parlez pas sérieusement. Comment de l'eau pourrait-elle se changer en vin? Cela est impossible. Impossible. Impossible. Non, ce n'est pas impossible, mille sabots. Il réussit bien à le faire, lui. Qui, lui? Bruno, le roi des illusionnistes. Son numéro passe en ce moment au Music Hall Palace. Voilà 15 jours que j'assiste à toutes les représentations et que j'essaie de découvrir son truc. Hier, je croyais l'avoir enfin trouvé. Et au lieu de ça, mille sabots. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Mais ce soir, tonnerre de Brest, j'y retourne. Et vous allez m'accompagner. Et cette fois, mille tonnerres, je saurai comment il procède. Et regardez bien comment il fait, n'est-ce pas? Oh, nous avons tout le temps. Il y a d'autres numéros avant le sien. Voyez le programme. Il y a d'abord Ragdalam, le fakir, et sa voyante extra-lucide, Yamila. Puis vient Raman Zarat, le lanceur de poignards. Ensuite... Chut, chut. Voilà Ragdalam, le fakir. Il est extraordinaire, lui aussi. Mesdames et messieurs, les expériences auxquelles je vais avoir le plaisir de vous faire assister ce soir... sont les mêmes que celles que j'ai eu l'honneur d'exécuter devant son Altesse le Maharaja d'Ambalapur et qui m'ont valu d'être décoré de l'ordre du grand Naja Rose. J'ajoute que le secret du mystérieux pouvoir que je détiens m'a été révélé par le célèbre yogi Chandra Patnagar Rabad. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le plus grand phénomène du siècle. J'ai nommé Madame Yamila. Je vais commencer par plonger Madame Yamila dans un état hypnotique. Madame Yamila, êtes-vous prête à me répondre? Oui, sahib. Bien. Dites-moi, madame Yamila, quel est le nom de ce monsieur assis au premier rang? Séraphin. Est-ce exact, monsieur? C'est exact. Madame Yamila, répondez-moi encore. Que contient le sac à main de cette dame? Un mouchoir. Un trousseau de clés. Un agenda. Un poudrier. Une carte d'identité. Le numéro de cette carte d'identité, madame Yamila. 38 425. C'est bien sûr. Formidable, hein? Madame Yamila, pouvez-vous me dire si cette dame, là, au troisième rang, est mariée? Oui, elle est mariée. Bien. Et quelle est la profession de son mari? Cinéaste. Est-ce exact, madame? Oui, c'est cela. Je le vois. Il revient d'un long voyage dans un pays lointain. Mais, que se passe-t-il? Il souffre. Il est atteint d'un mal mystérieux. Voyons, si c'est une plaisanterie, elle a très mauvais goût. Mon mari, il se porte à merveille. C'est insensé. C'est un mal qui ne pardonne pas. La haine du dieu soleil est terrible. Sa malédiction est sur lui. Mesdames et messieurs, nous nous excusons d'interrompre un instant le spectacle pour une communication personnelle et urgente. Madame Clermont est-elle dans la salle? Oui, c'est moi. Vous êtes priée de rentrer immédiatement chez vous. Votre mari vient de tomber gravement malade. Quoi? Ça alors, ce n'est pas possible. C'est un coup monté. Je ne le crois pas. Clermont est le nom du cinéaste qui accompagnait l'expédition Sanders Arnout. Mesdames et messieurs, le pénible incident qui vient de se produire ayant fortement impressionné Madame Yamila, la direction se voit dans l'obligation de passer immédiatement au numéro suivant. Voici donc Rahman Zarat, le célèbre lanceur de poignards. Vous allez voir, c'est un type formidable. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Passez-moi vos jumelles, voulez-vous? Tenez. Ça, par exemple. Le général Alcazar. Le général comment? Alcazar. Je l'ai connu en Amérique du Sud. Une révolution avait éclaté dans la République de San Theodoros et le général y avait pris le pouvoir. Le croirez-vous, j'ai même été son aide de camp. Je me demande à la suite de quels avatars il a fini par échouer sur la scène d'un musical. En tout cas, il est formidable. Regardez. Señores, señoras, le numéro que je vais avoir l'honneur d'exécuter de bambou est extrêmement dangereux et me permet de vous demander le plus grand silence. C'est pas Stallone. Et vous avez vu son assistant, l'Indien qui se tient devant le poteau? Il n'a pas bougé d'un cil. C'est difficile, maintenant. Ma parole, il est vraiment très fort. Mais ce n'est rien encore. Vous allez voir ce qu'il va faire maintenant. Encore plus difficile. De plus en plus difficile. Présent, señores y señoras, je vais exécuter des bambous pour la première fois en Europe le lancement du poignard les yeux bandés. Puis-je demander à quelqu'un d'entre vous de venir sur scène pour me bander les yeux? Si, señor. Il y a 3 jours, ça a failli tourner mal. Le poignard s'est planté tout juste au bord de la cible que tient l'Indien. 1 centimètre de plus et le pauvre homme était transpercé. Voilà, c'est fait. Je vous remercie, señor. Está usted? Sí. Et voilà! Voyons, quel est le numéro suivant? Ah, voilà. Mais, sapristi. Quoi? Regardez, Bianca Castafiore, le rossignol milanais. Eh bien oui, et alors? Je la connais également, figurez-vous. Je l'ai rencontrée en Sildavie, lors de l'affaire du sceptre d'Ottokar. Décidément, vous connaissez tout le monde. La voici. Mesdames et messieurs, je vais avoir le grand honneur de vous interpréter les grands airs des bijoux de Faust. Formidable, hein? Ah, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je l'entends, je pense à ce cyclone qui s'est passé sur le bateau, alors que je naviguais dans la mer des Antilles. Réponds vite. Non, ce n'est plus toi. Milou, voyons. Milou, viens. Particulièrement en voix ce soir. C'est comme Milou. Dites, si nous en profitions pour aller saluer le général Alcazar dans sa loge. Excellente idée. Mais vous savez où elle se trouve? Ce doit être par là. Allons voir. Vous êtes sûr que c'est par ici? Bah, nous verrons bien. Voilà quelqu'un qui pourra sans doute nous renseigner. Pardon, monsieur, pourriez-vous m'indiquer la loge du de Ramon Zarat? Au fond du couloir, loge 14. Merci. Vous les avez reconnus? Oui, le fakir et madame Yamila. Bon, loge 14, au fond du couloir. Voilà, c'est ici. Entrez! Bonjour, général Alcazar. Vous ne me reconnaissez pas? Caramba! Tinti! Mon ancien aide de camp! Amigo mio, quelle surprise! Dios de mi vida, que je suis heureux de vous revoir! Et moi donc? Et cet individu-là, qui est-ce? Je vous présente mon ami, le capitaine Haddock. Los amigos de nuestros amigos son nuestros amigos. Enchanté, señor coronel, enchanté. Enchanté. Descuida, nuestra policía. Ah, bueno. C'est brave, chiquito. Depuis que la police est venue vérifier nos passeports et nos permis de séjour, il voit des policiers partout. Ah, je comprends. Permettez-moi, pour fêter cette heureuse rencontre, de vous offrir un verre d'aguardiente. Bien volontiers. À votre santé, amigo mio. À votre santé, señor coronel. À la vôtre, mon général. À votre santé. Prenez garde, capitaine, c'est très fort. Très fort? J'ai l'habitude, mon cher. Vous savez, été certainement surpris de me voir sur la scène d'un musical, non? Que voulez-vous, c'est la vie. Il y a une révolution là-bas, dans mon pays. Et c'est le général Tapioca, cette vieille canaille, qui a pris le pouvoir. Alors vous comprenez, il a dû m'expatrier. Et après toutes sortes de métiers, il est devenu lanceur des poignards. Excusez-moi, Tintin, mais il est temps de regagner nos places si nous ne voulons pas manquer le prestidigitateur. C'est vrai. Excusez-moi de vous quitter si vite, mais nous voudrions assister au numéro du prestidigitateur. Au revoir, mon général. Au revoir, amigo mio. Vite, nous allons rater le numéro. Je n'ai pas l'impression que nous sommes venus par ici. Ah, si, si, regardez. Voilà la porte de la buvette. Oh, oh, un décor. Capitaine, vous vous êtes fait mal? Tonnerre de presse. Voyons. Serait-ce par ici? Ah, millions de milliards de millions, ça va. Attendez, je vous aide. Tonnerre de Brest. Et tout ça à cause de cette espèce d'individu général de Tonnerre de Brest. Attention, capitaine. Eh bien, je m'en souviendrai. Ne vous appuyez pas là, c'est une fausse colonne. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Ce n'est qu'une tête de vache en carton plat. Au secours. Attendez. Je vais vous aider à l'enlever. Arrêtez-vous, capitaine. Eh bien, non. Mesdames et messieurs, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Oui, mesdames et messieurs, du vin. Et si quelqu'un veut se donner la peine de monter sur la scène, on pourra se rendre compte... Charmante soirée. Je vous dépose chez vous et je rentre à Moulinsart. Comme vous voudrez, capitaine. C'était les 7 boules de cristal d'Hergé, une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Gérard Giroudon, le passager, Thierry Ancis, le capitaine ad hoc, Sylvia Berger, la Castafiore, Alain Langlais, Nestor, Denis Podalides, le professeur Tournesol, Elsa Le Poivre, Madame Clermont, Georgie Ascalier, Madame Yamila, Clément Hervieux-Léger, le directeur du Music Hall Palace, Laurent Lafitte, le général Alcazar, Benjamin Laverne, l'illusionniste, Sébastien Poudrou, Ragdalam le Fakir, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur. Et les voix de Tristan Cotin, Amaranta Kuhn, Jisoo Jong, Axel Mandron, Pierre Ostoyamanien. Marina Kapp, Milou. Bruitage, Sophie Bissant et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Émilie Couette. Prise de son musical, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Xavier Lévesque et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivian Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.